il est obligé de vivre sa vie en fonction de cette très basse intelligence qui est l'intelligence astrale. Donc, l'homme ne s'appartient que lorsqu'il est en relation directe avec les forces de vie, les forces qui créent une pression contre son ego. Mais pour qu'il en arrive à s'appartenir à ce niveau, il ne faut plus qu'il ne s'appartienne au niveau astral. L'homme ne peut pas être à la fois magicien de sa vie, magicien dans sa vie, et à la fois prestidigitateur. Mais l'humanité aujourd'hui ferait de la prestidigitation, demain l'humanité fera de la magie. L'homme ne peut pas convier à la fois avec l'astral et convier à la fois avec l'éther. L'homme doit être dans l'un ou dans l'autre. Donc l'homme est obligé, pour passer d'un camp à un autre, de vivre la dissociation psychologique. Et elle doit être totale. Et c'est les forces de vie en lui qui rendront cette dissociation psychologique totale. Elle se produit dans la vie de l'homme n'importe quand, à n'importe quelle heure, dans le temps de la vie, dans le temps de l'intelligence, dans le temps de la relation entre l'homme humain et l'homme cosmique. Je vois des alliances parmi vous, je vois des alliances parmi les hommes qui se font et se défendent. On aime, on n'aime pas, on se raccroche, on se décroche, on se laisse. L'homme sera attaqué dans son amour pour l'homme. L'homme sera attaqué dans son amour pour l'homme parce que l'amour que l'homme a pour l'homme, c'est un amour que l'homme a pour lui-même. Donc, il sera attaqué dans son amour pour l'homme parce que l'amour que l'homme a pour l'homme, c'est un amour qui convient à son ego. Mais ce n'est pas nécessairement une force qui convient à sa vie. Rappelez-vous de ces paroles. La plus grande constante qui existe dans l'homme conscient, la plus grande constante, c'est une constante universelle, c'est que tous les hommes conscients doivent passer par le même feu, afin d'être sur la même longueur d'onde. Et le même feu veut dire qu'ils sont obligés de reconnaître éventuellement, dans un temps ou un autre, qui convient à leur expérience, que les lois de la vie sont pareilles et sont exactes pour tous les hommes. D'ailleurs, de là l'universalisation de la conscience supramentale sur la Terre. Donc, l'homme conscient, l'homme qui va vers la supraconscience, ne vit plus sa vie individuellement. Il vit sa vie autrement. Il ne la vit plus individuellement. Et sa vie n'a plus d'individualité parce qu'un autre homme qui est conscient comme lui la comprend. Et quand je dis que l'homme supraconscient ne vit pas sa vie individuellement, je dis beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer pour le moment, mais je dis beaucoup de choses dans ce sens que je dis que l'homme supraconscient ne peut plus être assujetti à la volonté sociale que nous retrouvons à l'intérieur de sa psychologie associative. L'homme supraconscient est obligé de vivre sa vie selon les lois de la pression de la lumière à travers son double. Il est obligé de vivre sa vie selon la pression de son double sur son ego. Il n'a plus de choix. Il n'est plus capable de dire non. Parce que déjà, il a perdu le pouvoir de penser. Il a perdu suffisamment le pouvoir de penser, de questionner, d'entreprendre un dialogue, une rationnelle contre les forces de vie. Il est incapable. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de dissociation psychologique de l'homme conscient, de l'homme de demain, nous parlons d'une dissociation psychologique qui n'est pas la dissociation psychologique que vous pensez, vous, aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, bon, quand on se conscientise, on perd notre ego. C'est pas vrai. Quand on se conscientise, on ne perd pas notre ego. On le retrouve. Propre. On le retrouve propre. Non traité. non traités par différents matériaux que j'appelle l'astralité. Je veux vous donner un exemple de la dissociation. Il y a des gens qui ont tendance à vouloir convaincre d'autres personnes. Et plus un être devient conscient, plus il a tendance à vouloir convaincre une autre personne, parce que quand on prend conscience de quelque chose, ou quand on a liaison avec un certain état d'esprit ou une certaine expérience, on ne veut pas demeurer seul à l'intérieur de notre expérience. On veut convaincre l'autre. Et convaincre une personne veut dire quoi dans le fond? Veut dire que nous sommes insécures devant nous-mêmes. C'est pourquoi les gens veulent convaincre les hommes ou les gens, parce qu'ils sont insécures en eux-mêmes. Et le fait qu'ils ont souvent un tempérament fort qui leur permet d'être assez actifs dans cet acte de conviction, ils ont l'impression d'avoir une certaine centricité. Et pourtant, l'homme qui cherche à convaincre l'homme n'a aucune centricité. Parce que quand on essaie de convaincre une personne, on essaie d'imposer sur une personne notre vue. Et ça, c'est une illusion totale de l'ego, parce qu'aucun ego n'a besoin de la vue de notre ego, puisque tous les égos ont leur propre vue. Mais les égos ne sont pas capables de voir que d'autres égos ont leur propre vue, et comme ils ne sont pas capables de voir ceci, et automatiquement de bénéficier de ce fait que les égos ont leur propre vue, donc il n'y a pas d'échange libre entre les égos, donc les égos n'apprennent pas ce qu'ils savent. Il y a simplement un égo qui essaie d'empiéter ou de forcer sur l'autre, dans sa gorge, une constatation ou une opinion personnelle. Et ce mécanisme de conviction qu'on essaie, qui fait partie de notre vie, surtout quand nous réalisons quelque chose, regardez dans le phénomène de la drogue. Regardez les jeunes qui prennent ce que vous appelez du pot, là, de cette herbe, et qui commencent à fumer ce matériel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas capables de s'asseoir seuls à la maison, dans leur salon, dans leur chambre, à fumer ce matériel au début. Ils doivent aller à côté, chez le petit ami, et lui dire combien c'est trippant, combien c'est bon ou combien c'est quoi que ce soit. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que la drogue dans le monde s'est propagée. La drogue dans le monde s'est propagée parce que les hommes se sont laissés convaincus, les jeunes se sont laissés convaincre. Si les jeunes ne s'étaient pas laissés convaincre, la drogue ne serait pas diffusée dans le monde. Donc, quand on essaie de convaincre quelqu'un, qu'est-ce qui se produit? On ouvre cette personne à notre propre astralité. Et si cette personne est moindrement faible, elle se laisse ouvrir à notre astralité, et le courant astral passe d'un homme à un autre homme, à un autre homme, à un autre homme, à un autre homme. C'est comme ça que se forment les religions fanatiques. C'est comme ça que se forment les idéologies fanatiques. C'est comme ça que se forme le communisme, le fascisme, le nazisme. C'est comme ça que se forment tous les ismes. Pourquoi? Parce que les hommes se laissent convaincre. Le témoin de Jéhovah qui va dans le monde et qui essaie de convaincre un chrétien, c'est la même chose, c'est le même mécanisme. Autrement dit, essayer de convaincre quelqu'un amène toujours les hommes à réaliser une chose, que plus on convainc, plus l'ego lui-même demeure insatisfait vis-à-vis l'autre ego. Et s'il est faible, il absorbe la conviction. Et s'il est fort, il y a rupture entre les deux. Si l'homme était dissocié psychologiquement, si l'homme n'avait pas d'association psychologique, l'homme ne chercherait jamais à convaincre un homme, parce que il n'aurait jamais rien à prouver. Parce qu'il n'aurait jamais rien à prouver. Et c'est le fait que nous avons toujours quelque chose à prouver pour nous sécuriser nous-mêmes devant nous-mêmes et devant les autres, que nous construisons, sans nous apercevoir dans le monde, des tours qui deviennent de plus en plus effilés et au-dessus desquels, à la pointe desquels, les hommes sont piqués comme des olives. Et plus l'homme se conscientise, ou au début de cette conscientisation, lorsque l'énergie commence à entrer en lui, il n'est pas capable de contenir l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de convaincre les gens. Quand vous allez dans le monde et que vous parlez à l'homme ou que vous parlez aux hommes, quand vous sortez des séminaires ou que vous rencontrez vos familles, vous essayez de convaincre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas capable de contenir l'énergie. Imaginez-vous dans 20 ans ou dans 25 ans, lorsque l'énergie sera descendue dans la matière et que certains hommes pourront communiquer par télépathie ou que certains hommes pourront voir ce qu'ils ont à voir. Imaginez-vous si l'homme n'était pas construit, si l'homme n'était pas centrique, si l'homme n'était pas dissocié dans sa psychologie, combien parmi nous irait dans le monde pour convaincre tout le monde et créer une nouvelle religion? Alors, le phénomène de convaincre se rapporte à ce phénomène de dissociation psychologique qui devient nécessaire pour l'humanité. Et tout ce que nous faisons dans notre vie relève de la même fonction. Tout ce que nous vivons dans notre vie doit un jour être totalement détruit sur le plan psychologique. Et la pression de la lumière contre le double, ou la lumière du double contre l'ego, le fera ce travail. Donc, je vous invite dans les années qui viennent à constater une chose, ou à vous rappeler d'une chose, à vous rappeler que je vous ai déjà dit qu'il en soit ainsi. Donc, lorsque vous la vivrez, cette pression, au lieu de vous apitoyer dans une subjectivité quelconque, vous regarderez de très près ce qui se passe et vous vivrez de plus en plus, ou pourrez vivre de plus en plus ce que vous devez vivre, afin un jour d'être dans votre intelligence. On peut se facilement dorer la pilule quand on est inconscient. On peut se donner toutes les raisons au monde pour être ce que nous sommes. On peut se donner toutes les raisons au monde pour être ce que nous aimons, ce qui nous donne de la couleur, ce qui façonne notre personnalité. Mais lorsque la pression de l'éther contre l'ego commence à se faire sentir, nous nous apercevons que nous sommes forcés par cette énergie à nous rendre totalement nus de ce qui, dans le passé, avait été pour nous une pièce de conversation. Nous ne pouvons plus nous assurer en tant qu'homme, en tant qu'ego, d'une survie quelconque, d'une subjectivité quelconque. Et la pression du double, elle commence à se faire par des voies qui sont très, très, très subtiles. Très subtiles. Il n'y a rien de plus intelligent que de l'intelligence. C'est pourquoi je vous dis, ce qui dans votre vie vous semble être un rempart, une fortification, une forteresse, ne mettez pas tous vos œufs dedans. Je vous assure. Je vais vous donner un exemple. Il y a un ami parmi vous, je ne vais pas vous le dire. Pourquoi l'homme doit éventuellement subir la dissociation psychologique? Quand je parle de l'homme qui deviendra demain supraconscient. Pourquoi? Parce qu'il deviendra dans quelques années absolument essentiel que les hommes réalisent comme moi que des hommes sur la Terre, dans différents pays, doivent devenir des agents d'un gouvernement invisible. Et quand on parle d'un gouvernement invisible pour l'homme, ça le fait rire ou ça le fait... Ça peut l'intéresser ou il peut trouver ça intéressant, ça peut être le fun, papa. L'homme n'est pas capable de concevoir dans sa réalité mentale qu'il existe effectivement un gouvernement invisible. Que l'homme, que l'animal est régi par des intelligences animales, que l'être humain inconscient est gouverné par un gouvernement matériel. et que l'être conscient est gouverné par un gouvernement invisible? L'être conscient est gouverné par un gouvernement matériel et l'être conscient est gouverné par un gouvernement invisible. Et la plus haute vibration, éventuellement, a un effet sur toutes les autres. Et il deviendra nécessaire dans quelques années que les hommes les plus conscients, les plus avancés, les plus sensibles à cette vibration, à leur vibration, prennent conscience qu'effectivement, ils ne sont pas seulement en contact avec leur moi, ils ne sont pas seulement en contact avec leur ajusteur de pensée, ils ne sont pas seulement en contact avec une intelligence quelconque qu'ils ont enrobée d'un certain chocolat, que j'appelle le concept philosophique ou le concept mystique ou le concept ésotérique, qu'ils sont effectivement en contact avec un gouvernement invisible. Donc, les hommes, un jour, et ça, même si je le parle, c'est au niveau de la réalisation que l'on le réalise, un jour, les hommes devront réaliser que la communication télépathique entre eux et les autres plans est une communication intergouvernementale, intermondiale, interplanétaire, que les hommes sont effectivement en contact avec des intelligences qui gouvernent invisiblement la Terre. Et quand les hommes auront réalisé qu'ils sont en contact avec des intelligences qui, effectivement, gouvernent la Terre, qu'est-ce qu'il se produira? Il se produira dans l'esprit de l'homme une sorte d'accroissement d'activité mentale. Autant l'homme aura été affaissé dans cette activité mentale, autant très peu d'activité mentale aura été enregistrée dans son cerveau à cause des blocages créés par l'association psychologique qui convenait à leur ancienne civilisation, autant les hommes seront automatiquement accrus dans leur conversation, accrus dans leur activité mentale, et autant les hommes seront obligés de commencer à reconnaître et de commencer à comprendre quelle est la vraie relation entre l'homme de la Terre et ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, pour le moment, la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Eh bien, la vie, c'est la relation vibratoire, énergétique, entre le pouvoir de certaines intelligences de gouverner d'autres intelligences. Ce que nous appelons la vie, c'est la manifestation à travers des éthers que nous ne voyons pas, du rayonnement de ces intelligences par voie de leur puissance à travers l'homme qui subit ce rayonnement inconsciemment et qui l'appelle de la vie. Mais parler de la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Pourquoi nous avons intérêt? Pourquoi nous cherchons? Pourquoi nous voulons? Pourquoi nous apprécions être dans la vie? Parce que nous avons une notion de la vie. Nous n'avons pas la science de la vie. Et comme nous avons simplement une notion de la vie, nous vivons sur le plan matériel en tant qu'être biologiquement complexe, intelligent, mais incapable de comprendre la relation qui existe entre nous et ces gouvernements invisibles. Êtes-vous capable, vous, sur le plan matériel, de vous imaginer, dans quelque société que ce soit, qu'il n'y ait pas de gouvernement qui vous gouverne? Que vous soyez des hommes, que vous soyez des papous, que vous soyez de la Nouvelle-Zélande, ou que vous soyez de New York, ou que vous soyez de l'Inde, ou que vous soyez de n'importe quel pays, il y a un effet créé chez tous les individus dans toutes les sociétés que nous appelons l'effet gouvernemental. Alors, tous les hommes sont gouvernés, mais les hommes inconscients sont gouvernés à une échelle tellement basse qu'ils ne sont pas capables d'apprécier la relation entre eux et leur gouvernement. Donc, les hommes, ne sont pas capables d'aimer leur gouvernement. Et c'est parce que les hommes ne sont pas capables d'aimer leur gouvernement qu'il n'y a pas d'amour entre les hommes et le gouvernement, et c'est pourquoi les gouvernements ne sont pas capables d'élever la conscience de l'humanité. Mais lorsqu'il y a de l'amour entre un homme et son gouvernement, lorsqu'il y a de l'amour entre un être conscient et son gouvernement, à ce moment-là, ce gouvernement est capable d'élever sa conscience. Et c'est exactement ce qui se produira dans l'avenir. Le contact télépathique entre les hommes et le gouvernement invisible, à cause de l'amour qui existera entre l'homme et ses intelligences, créera automatiquement une augmentation du taux vibratoire chez l'homme, et c'est pourquoi l'homme deviendra conscient. Pourquoi? Parce qu'il y aura de l'amour entre l'homme et ceux qui gouvernent. Et lorsque l'homme sera suffisamment élevé dans l'énergie de ses êtres, de ses entités qui gouvernent, de ses intelligences qui gouvernent, il lui sera rendu la vue de ses êtres et il pourra travailler avec eux, comme l'homme sur la Terre peut travailler à l'intérieur du gouvernement. comme l'homme sur la Terre peut avoir des fonctions en fonction du gouvernement, alors, de la même façon, l'homme, au niveau de son double, pourra avoir des activités avec ses gouvernements et automatiquement commencer à réorganiser sur le plan matériel le gouvernement physique, qui, à ce point-là, sera totalement déchu. Donc, la fonction d'un gouvernement sur une planète, ce n'est pas simplement une fonction matérielle, ce n'est pas simplement une fonction psychologique, ce n'est pas simplement une fonction à l'intérieur de laquelle un certain pouvoir s'exerce. Ça, c'est l'aspect purement planétaire, inconscient, rudimentaire, primitif, évolutif de l'humanité. Mais, sur une échelle plus vaste, le gouvernement devient quoi? Le gouvernement invisible, c'est ce que les hommes un jour comprendront dans toute sa multiplicité. Et un jour, le gouvernement invisible, les gens, les hommes, reconnaîtront, sauront que c'est ce que nous appelons Dieu. Et quand les hommes sauront que ce que nous appelons le gouvernement invisible, c'est ce que nous appelons sur le plan matériel aujourd'hui Dieu, les gens, les hommes, réaliseront la très très grande sagesse de ce gouvernement invisible. Et quand les hommes auront réalisé la très grande sagesse de ce gouvernement invisible, ils n'auront qu'un plaisir dans la vie. Et quand je parle de la vie, je parle de la vie de leur éther, je ne parle pas de la vie matérielle. Ils n'auront qu'un plaisir dans la vie de leur éther, c'est d'appartenir et de travailler avec ce gouvernement invisible, soit sur le plan éthérique ou soit sur le plan matériel. Pourquoi il n'a jamais été expliqué à l'homme que le gouvernement invisible, c'est l'extension dans l'intelligence de la compréhension du phénomène associatif que nous connaissons sur notre planète comme étant Dieu? Parce que les hommes ne sont pas suffisamment intelligents. Si les hommes avaient été suffisamment intelligents, si les hommes avaient été suffisamment conscients de leur intelligence, s'ils avaient été suffisamment près de ce gouvernement invisible, depuis très très longtemps, les hommes auraient rencontré ceux qui travaillent à l'intérieur du gouvernement invisible et qui font partie de cette totalité créative qu'on appelle Dieu. Donc, les hommes auraient rencontré depuis très très longtemps les messagers de cette grande réalité qu'on appelle Dieu. Donc, les hommes auraient rencontré depuis très longtemps les agents, les êtres qui ont différents services à l'intérieur de ce gouvernement invisible, comme certains initiés dans le passé les ont connus, les ont rencontrés. Donc, l'homme n'aurait pas perdu des années, des siècles à convoiter une superpuissance devenue abstraite par la simple incapacité mentale de réaliser son organisation psychologique à l'échelle d'une dimension qui défie le réalisme rationnel de l'intellect humain. Donc, l'homme aurait été très, très à l'aise avec le pouvoir. L'homme aurait été très, très à l'aise avec la réalisation des relations entre le pouvoir et l'humanité et la Terre. L'homme n'aurait pas fait de ceux qui sont venus simplement en tant qu'expérimentateurs ou en tant que messagers. L'homme n'aurait pas été berné par ces êtres à cause de leur luminosité. Il n'aurait pas pris ces êtres pour des dieux, mais il aurait pris ces êtres simplement pour des messagers de ce gouvernement invisible. Et probablement, l'homme aurait été amené à voir et à connaître l'organisation extrêmement technique de ce gouvernement sur des plans supérieurs. Mais ceci fait partie de l'évolution. L'homme un jour connaîtra les secrets de son évolution, l'homme un jour connaîtra les secrets de sa puissance, il connaîtra les secrets de son intelligence, il connaîtra les secrets de la vie, l'homme connaîtra tout. Parce que lorsque l'homme commence à connaître le secret des gouvernements invisibles, il commence à connaître les secrets de tout. Qu'est-ce qui se produit chez vous aujourd'hui si de facteur vous devenez un jour premier ministre? Il vient un certain moment, si vous êtes premier ministre, où vous connaissez la mécanique du gouvernement planétaire. Autrement dit, plus vous montez dans la hiérarchie du gouvernement planétaire, plus vous connaissez la mécanique de tout ce qui se passe. Il est la même chose au niveau du gouvernement invisible. Plus l'homme entrera dans la hiérarchie du gouvernement invisible lorsque son double sera formulé, à ce moment-là, l'homme connaîtra de plus en plus les secrets de l'évolution, les secrets de la création. Et quand l'homme aura compris les secrets de la création, il n'y aura plus rien de caché à l'homme, parce que l'homme n'aura plus de vision particulière. C'est-à-dire que l'homme n'aura plus de vision associative. Et c'est parce que l'homme a une vision associative qu'il est incapable de connaître le rouage de la mécanicité du gouvernement invisible, donc il est incapable de connaître la mécanicité de Dieu. Et comme l'homme est incapable de connaître la mécanicité de Dieu, il est incapable d'approfondir les lois de la vie, les lois de l'organisation matérielle, astrale, mentale, émotionnelle, ainsi de suite. Il est incapable de connaître quoi que ce soit. Il est obligé de petit à petit avancer par l'expérimentation scientifique pour découvrir la surface poussiéreuse de l'organisation atomique qui n'est quoi en fond? Qui n'est que un aspect extrêmement matériel de cette organisation cosmique et invisible qu'on appelle le gouvernement invisible. Oh. C'est pourquoi les hommes, dans les années qui viendront, ceux qui feront partie télépathiquement et éventuellement éthériquement avec le gouvernement invisible, seront amenés à ce que j'appelle la dissociation psychologique. Et ceux qui ne pourront pas vivre la dissociation psychologique parce qu'il y aura en eux trop de tremblements, trop de craintes, seront obligés de mourir. Et je vous assure que dans l'organisation matérielle des mondes, il n'y a aucun sentiment pour ou contre la mort. Autrement dit, autant l'homme de la Terre a un sentiment pour ou contre la mort, autant l'homme de la Terre a un sentiment qui l'amène à dire « Ah, ça, ça fait pitié » ou « Ah, ça, c'est terrible » ou « Ah, ça, c'est malheureux ». Dans le monde de l'organisation des forces qui dirigent l'évolution, ça n'existe pas parce qu'il n'y a aucune association pouvant créer dans l'intelligence une interférence avec les lois de la lumière qui sont les lois de l'énergie de ces mondes. Donc, il est grand temps que ceux parmi vous, surtout ceux qui me voient souvent ou qui m'entendent souvent, il est grand temps que ceux parmi vous qui avancent ou qui sont en train d'avancer ou qui sont qui essaient d'avancer ou qui veulent avancer, que ceux qui sont en contact avec ma vibration, il est grand temps que vous commenciez à changer votre chevelure pour vous créer un nouveau panache. Parce que il n'y aura pas le moindre petit geste pour sauver l'homme. Ceux qui ont l'impression sur la Terre qu'il y aura à la fin du cycle des êtres de lumière qui viendront pour réchapper l'humanité et qui s'imaginent qu'eux seront réchappés parce qu'ils sont spirituels, parce qu'ils sont bons, j'ai pour vous la plus grande des révélations. C'est la plus grande de vos illusions. Vous mourrez par milliers. Aucun être ne viendra sur la Terre réchapper l'homme. Ceux qui viendront sur la Terre en contact avec des hommes qui déjà auront avec eux contact télépathique. La seule sécurité de l'homme demain, c'est sa communication télépathique avec eux. La seule, il n'y en a pas d'autre. Alors, les hommes sur la Terre, qu'ils soient dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle zone, n'importe quelle région, qui ont télépathiquement contact avec eux, qui peuvent reconnaître une sorte de dualité entre eux et ces intelligences, sont automatiquement enregistrés dans la vision future des choses. Alors, ce n'est pas parce que vous aurez des sentiments, vous entretiendrez des sentiments spirituels, ou vous entretiendrez des états des états subliminaux de perfectionnement spirituel, que vous entrerez en contact avec ces intelligences. Ils ne pourront même pas vous voir, parce que votre vibration sera trop basse. On prend un café. Alors, dans le deuxième volet, on peut regarder les mécanismes de la dissociation psychologique. L'être humain est un être qui a été construit par valeur. Autrement dit, l'être humain, c'est un être qui est composé par valorisation. C'est pas un être qui est le produit d'une composante intelligente. Autrement dit, tout ce qui existe dans l'être humain, c'est l'accumulation psychologique, mais aussi historique, contemporaine, de ce qu'on appelle des valeurs. Et les valeurs sont les blocs de ciment qui construisent ou qui servent à construire la maison. Autrement dit, l'être égoïque. Et ce qui est le plus drôle, c'est que les valeurs humaines sont bonnes, sont intelligibles, sont conformes aux besoins de la société, mais n'ont absolument rien à faire avec l'être humain complet. Autrement dit, un être humain complet, là, ou disons un être humain qui est complété, un être humain qui en arrive à un stade d'évolution où il est totalement intégré au niveau de son ego, son double, son esprit, ainsi de suite, cet être-là n'a plus besoin de valeur humaine parce qu'il les transcende toutes. Et il les transcende jusque dans la matière. Alors, comme il les transcende jusque dans la matière, éventuellement, lorsque le temps est venu pour l'organisation à une plus haute échelle de l'évolution, il est évident que les valeurs humaines, ce qu'on appelle les valeurs, que l'on considère, nous, fondamentales à la société et au bon équilibre de la société, ne sont pas réelles. Elles sont bonnes, mais elles ne sont pas réelles. Et il faut que l'homme voie la différence entre ce qui est bon et ce qui est réel. Et quand un homme commence à voir la différence entre ce qui est bon et ce qui est réel, c'est là qu'il commence à se dissocier psychologiquement, qu'il commence à vivre la dissociation psychologique. Parce qu'il y a un mécanisme dans on ne parle pas des valeurs qui sont mauvaises, parce que l'homme dépasse des valeurs mauvaises puisqu'il se civilise. Et dans le domaine des valeurs qui sont bonnes, l'être humain ne réalise pas que les valeurs qui sont bonnes sont aussi puissantes à générer en lui l'impuissance que les valeurs qui sont mauvaises. Parce que les valeurs qui sont bonnes servent simplement à maintenir le statu quo d'une civilisation, tandis que les valeurs qui sont mauvaises servent à détruire une civilisation. Tandis que l'intelligence pure et le contact entre les différents plans de l'homme jusque dans la matière servent à créer une nouvelle civilisation. Et plus un être humain a de bonnes valeurs, là c'est bien subtil ce que je dis, plus un être humain a de bonnes valeurs, plus il maintient le statu quo de la civilisation, et plus automatiquement il vit associativement. Et comme il vit associativement, cette forme de vie psychologique qui lui convient, qui fait partie de son acculturation, si vous voulez, l'empêche, par le fait même, de comprendre les données qui lui viennent par convoyance psychologique, par communication psychologique télépathique à partir du gouvernement invisible. Autrement dit, l'homme est incapable de s'imaginer que les choses peuvent être de telle façon. Puis je parle seulement des bonnes valeurs, parce que c'est inutile de parler des mauvaises valeurs. Les mauvaises valeurs font partie de l'évolution de l'homme. Mais un homme qui est arrivé à un certain niveau d'évolution a de bonnes valeurs. Et rendu à un certain niveau d'évolution, ces bonnes valeurs deviennent un mur, deviennent une forteresse contre son intelligence pure. Ceci ne veut pas dire que l'homme qui est conscient n'a pas de bonnes valeurs. Ceci veut dire que l'homme qui est conscient n'a pas de valeur pantoute. Il crée son action. Comme il crée son action dans l'instantanéité, et que son action est créée en fonction d'une intelligence en lui qui est supérieure à l'intelligence subjective planétaire de l'homme, donc automatiquement, ce qu'il va créer va être encore plus grand que les bonnes valeurs qu'il y avait avant. Autrement dit, un homme conscient, il ne sera pas bon. Il va être intelligent dans sa bonté. Un homme conscient ne sera pas charitable. Il va être intelligent dans sa charité. Un homme conscient ne sera pas dominé par le sacré. Il va comprendre ses limitations. L'homme conscient ne sera pas anti-religion. Il va comprendre la nécessité des religions. L'homme conscient ne sera pas anti-gouvernement. Il va comprendre les plus vastes dominions du gouvernement invisible qui régissent inconsciemment, par le biais de l'inconscience humaine, le gouvernement planétaire. Autrement dit, l'homme conscient est toujours un pas avant l'homme inconscient qui a des bonnes valeurs. Donc, quand l'homme conscient est dans le monde, et parle dans le monde, et fait quelque chose dans le monde, automatiquement, à cause du fait qu'il n'a pas de valeur, autrement dit, qu'il ne fonctionne pas associativement, qu'il est dissocié dans sa psychologie, automatiquement, aussitôt qu'il ouvre sa boîte, il crée un choc dans les valeurs humaines qui sont bonnes. Et c'est ce choc qui permet pour l'homme de sentir la vibration dans le déchirement de son voile. Et pour qu'un homme devienne intelligent, il doit vivre le déchirement du voile. Et qu'est-ce que c'est ce voile-là? C'est son inhabilité d'accepter la réalité qu'il est un agent du gouvernement visible. Fait que ça vous montre jusqu'à quel point il n'était pas le voile. Autrement dit, si je vous dis à vous autres, là, essayez donc de vous imaginer que vous êtes des agents, que l'homme est un agent inconscient ou plus ou moins conscient d'un gouvernement invisible. Vous n'êtes pas capable de vous imaginer ça, hein? Il n'y en a pas un parmi vous autres qui reste à la rue et dit « Moi, je suis un agent du gouvernement invisible. » On vous rentrera tout de suite à la Grande Bâtisse. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, ben, l'impossibilité psychologique de l'homme de réaliser ça, c'est le voile. Et cette impossibilité-là, elle est proportionnelle à votre incapacité aujourd'hui de vivre la dissociation psychologique dont je parle. Et c'est ça qui vous ramène dans les bonnes valeurs du statu quo social à tous les niveaux. Psychologique, philosophique, religieux, métaphysique. Whatever you think. Quelles que soient vos pensées, elles ne sont pas de l'origine de ce gouvernement-là. Parce qu'un homme qui est un agent du gouvernement invisible ne pense pas. Il n'a pas besoin. Il est connecté vibratoirement directement à cette énergie-là par le biais de son mental, tous ses corps, ou directement à travers son double jusqu'à l'aiguille. La connexion est directe. Il faut qu'il n'y a pas besoin de penser. Il est un agent. Ça veut dire quoi être un agent? Ça veut dire agencer sur un plan inférieur ce qui est déjà organisé sur un plan supérieur. C'est ça un agent. Un peu comme un homme qui travaille sur le plan matériel, qui travaille pour le CIA, par exemple, il est un agent d'un gouvernement. Il n'a pas à penser. Il donne des ordres, puis il fonctionne. Mais sur le plan humain, les ordres sont donnés verbalement. Tandis que sur le plan de la relation vibratoire, pour le moment, entre les hommes et le gouvernement visible, la relation, elle est purement vibratoire. Un jour, quand l'homme pourra voir dans les terres, à ce moment-là, la relation sera vibratoire, mais lumineuse. Dans ce qu'aujourd'hui, elle est vibratoire, mais elle n'est pas lumineuse. Autrement dit, l'homme ne peut pas mesurer l'intention d'un ordre ou d'un mandat qui lui est donné à partir du gouvernement invisible, parce qu'il est obligé d'absorber l'énergie à travers son corps astral. Il n'est pas capable encore de l'absorber directement à travers son corps mental supérieur, parce qu'il n'est pas formé ce corps-là. Fait qu'automatiquement, l'homme a des mécanismes à l'intérieur de sa conscience subjective, que j'appelle les mécanismes de fond de sa conscience associative. Et cette conscience associative, elle est tellement vaste, chez l'homme, qu'elle est la totalité de sa compréhension. Autrement dit, votre conscience associative, elle est la totalité de votre compréhension, c'est pour ça que vous ne comprenez rien. Comprenez-vous ce que je veux dire? La conscience, votre conscience associative, elle est la totalité de votre compréhension. Donc, elle est la totalité de la réflexion dans le temps et l'espace, autrement dit, dans votre action, sur le plan matériel ou sur un autre plan, de ce que vous êtes présentement. Et c'est pour ça que l'homme n'est pas capable de sentir ou de savoir ou de réaliser ou de vivre de lui-même, c'est-à-dire de vivre de l'énergie de son double dans sa matière matérielle. Parce que l'association psychologique est tellement puissante en lui. Pourquoi? Parce que... Ah, ça c'est intéressant. Je savais pas ça. Ça c'est bien intéressant. Croteau est pas ici la soirée. Le Ménard est ici. Ménard, écoute ça. Écoute bien ça, Ménard. Quand l'homme en arrive à la dissociation totale de sa conscience psychologique, le cordon astral est coupé. Donc, normalement, l'homme devrait être mort. Es-tu là, Ménard? Es-tu là, Ménard? Je veux que ça en rappelle, ça. Quand la dissociation, ça c'est fantastique, quand la dissociation est totale chez l'homme, le cordon que nous autres, on a d'habitude, est coupé. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller en astral. Parce qu'on n'a plus de cordon pour aller en astral. Donc, quand tu vis dans la matière, puis que tu n'as plus de cordon pour aller en astral, tu ne peux pas mourir. parce que t'es déjà vivant en matière. Autrement dit, t'es déjà mort. Moi, je suis déjà mort. Fait que je peux pas mourir encore. Tu comprends-tu, Eddie? J'ai jamais pensé à ça. Comprenez-vous ce que je dis? Le problème avec l'homme, c'est qu'il n'a jamais été rendu mort. L'homme n'a jamais été tué. Donc, il reste toujours la chance de mourir. Tu comprends ce que je veux dire? Mais quand l'homme a été tué, il ne peut plus mourir. Alors, à ce moment-là, dans ce processus-là, il vit la destruction de sa psychologie associative. À ce moment-là, l'homme n'a plus de choix. Il n'a plus de choix, l'homme, en tant qu'être humain, que d'être ce qu'il est. Il ne peut pas être autrement que ça. Il est obligé d'être ça. Et ce qu'il est, mais c'est ce qui est le mieux pour lui, parce que ça convient à la fois à son intelligence, à son double et à son ego. Puis là, je me rappelle quand est-ce que ça s'est produit, ça. La coupure du cordon. Je me rappelle, ça me revient. Parce que notre cordon, pour ceux qui sont ésotériques un peu et qui savent qu'il y a un lien entre le corps astral et du cordon d'argent, notre cordon, qui est le cordon que les gens ont, c'est effectivement une chaîne très forte. Et la force de cette chaîne-là, elle est proportionnelle à la valeur que l'on met, nous les hommes, dans la vie. Donc, plus on met de valeur dans notre vie subjectivement, autrement dit, par association, plus cette chaîne-là, elle est forte. Et c'est cette chaîne-là qui nous ramène à la mort, quand on n'a plus de force. Et dans la transmutation de l'homme, ce courant-là, ce cordon-là, il faut qu'il soit brisé. Alors, il y aura des hommes sur la terre qui vivront la sécation de ce cordon-là. Et quand ils vivront la sécation de ce cordon-là, ils réaliseront une chose, qu'ils ne sont rien. Et l'homme doit un jour réaliser qu'il n'est rien parce que quand il réalise qu'il n'est rien, c'est là qu'il réalise qu'il est quelque chose. Tandis qu'avant, il réalisait qu'il était quelque chose, qu'il n'était rien. Comprends-tu, vous dites? Faut que tu réalises que tu es rien pour réaliser que tu es quelque chose. Tant que tu réalises que tu es quelque chose, tu es rien. Parce que quand tu réalises que tu es quelque chose, à ce moment-là, ce que tu réalises est en fonction de l'énergie qui se promène constamment à l'intérieur de ce cordon-là et qui fait vibrer ce cordon-là. Ça, c'est votre mémoire. Ah, ça, c'est bébé. Ça, c'est réellement, ça va réellement au-delà des sciences ésotériques qu'on a apprises dans le passé. Parce que ça n'a jamais, le cordon astral, le cordon d'argent, n'a jamais été expliqué dans sa composition à l'homme. Qu'est-ce que c'est le cordon d'argent? Et le cordon d'argent, c'est le processus qui lie l'homme astralement à son âme. Donc, le cordon argent, c'est le passage constant de l'information de l'âme à l'ego. Par le plexus solaire, pour ensuite aller au cerveau. Autrement dit, nous autres, notre mémoire, elle passe par notre cœur avant d'arriver à la tête. Elle n'arrive pas à la tête tout de suite. Notre mémoire, elle passe par ici, puis elle s'envole là.